Ah, Sam, bon, yo komi boy, oye ki toko, oyo simishi yo lati, osubi yangwa, binga tamori firmo, bimba kuruka shimishi yangwa na juwate. Di Richard, oye, shimishi yangwa na lati, eto nga mina tenako na kinga boy. Yasuro? Epa ya levi mobile. Oui. Bon, a sorti ngay, na lataka diplomate, et bon, a kukrane, na lataka Saint-Tropez. Yo moni yango boni. Ah, binga moni yango sikse kono. Eh, simishi la malonga. Ah, ya malonga. Chemise à Bilombe, Athénaco, Athénien national, des confections, chemise à Bilengue, Saint-Trompette, chemise à Bacane. Mon balinango, comme il au fond de Nandako, Natuni Baninda, Bayebisinga, Intina, Balobi Poya Colata, Katsimisi diplomate. Diplomate, chemise à Bilombe, Athénaco, Athénien national, des confections, chemise à Bilengue, Saint-Trompette, chemise à Bacane. Bailo, comme il y a un terrain, n'a qu'à Tiandako, n'a tout ni baninga, baye bisinga intima, balo bipo ya colata, kakaka, simisi Saint-Trompette. Diplomate, chemise à Bilombe, Athénaco, Athénien national, les confections, chemise à Bilengue, Saint-Tropez, chemise à Bacane. Athénaco, Athénien national, les confections, chemise à Bilengue, Saint-Trompette, chemise à Bacane.